Évariste Ndikomanyanga. François Kimana sur les maisons de bienvenue, chers auditrices et auditeurs de la radio Sangadero à ce journal. Et donc, voici d'abord les principales articulations. Le président de la République veut qu'il y ait au Burundi la loi portant succession et cette loi devra prendre en compte les mœurs et les coutumes du pays. Il a dit le 8 mars lors de la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Entre-temps, les citadins de Bujumbura divergent à ce sujet. Les uns sont d'accord avec cette loi et d'autres disent que cette loi pourrait être source de conflits. Appuyer les exportations, augmenter les dépenses et d'investissement sont quelques-unes des mesures pour relancer l'économie burundaise. Propos de Faustin Ndikumana, directeur national de la PARCEM, après que le gouverneur de la Banque de la République du Burundi ait présenté la politique monétaire pour le premier trimestre 2025. Les menuisières qui exercent la menuiserie dans le quartier Kirema, en ville d'Okayanza, appellent d'autres jeunes filles à entreprendre des activités génératrices de revenus pour se développer et faire face et faire sourde oreille à ce qui les entraîne dans la délinquance. Et la chronique sportive de ce lundi, axée sur le cyclisme, bienvenue à cette actualité. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Ouvrons ce journal par la page économie. Appuyer les exportations, augmenter les dépenses d'investissement sont quelques-unes des mesures pour relancer l'économie burundaise. Propos du directeur national de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités après que le gouverneur de la Banque centrale ait présenté la politique monétaire pour le premier trimestre 2025, montrant que la croissance économique est passé de 3,9% en 2024 contre 3,3% en 2023, on l'écoute. PARCEM constate d'abord au niveau des devises une évolution mitigée des exportations. Une évolution très mitigée. 206 milliards ou 208 milliards, si on compare les derniers trimestres des années 2023-2024, sera causé par une faible augmentation des exportations du café, du thé, sans oublier les mines, sauf l'or dans une moindre mesure. Et donc même quelquefois, il n'y a pas de traçabilité au niveau du budget. Et je crois qu'il faut faire des efforts parce que au niveau des importations, les importations restent élevées sur le même trimestre à plus de 700 milliards. Et encore plus, malgré ce, même si on constate cette faiblesse des exportations, les dons en capital qui pouvaient faire inverser la tendance ont aussi diminué de 189 milliards à 89 milliards. Au niveau de la dette, on constate l'augmentation de la dette de 6 000 milliards à 7 000 milliards. Et la dette atteint progressivement plus de 50% du PIB. Alors que le facteur de convergence admis au sein de l'East African Community, c'est 50%. Alors, malgré cette augmentation de la dette intérieure, on constate que les dépenses en capital continuent à faiblir. Donc, parce qu'on voit qu'ils étaient à 397 milliards l'an dernier, mais ils sont à 217 milliards cette année. Donc, l'année 2024, au niveau du quatrième trimestre, il y a une diminution des dépenses en capital. Ça veut dire que on s'endette, mais on diminue les dépenses liées à l'investissement. Quant à l'inflation, l'inflation de 38% reste extrêmement élevée. Normalement, l'inflation ne devait pas être de deux chiffres, devait être inférieure à 10, 5, 4, 7, 8, comme c'était auparavant. Et cela est causé par ce manque de devises, le manque de carburant qui augmente le coût du transport, la faible production de certaines denrées alimentaires. Face à l'inflation, Faustin Ndikumana propose à l'État de prendre toutes les mesures pour alléger cette inflation, notamment les ressources en devises et la disponibilisation du carburant. Sinon, il sera difficile d'atteindre les objectifs liés à la vision 2040-2060. On l'écoute encore une fois. Cette situation inflationniste des cours de plusieurs réseaux que j'ai évoqués, il y a l'arrêté des devises qui fait que les produits importés continuent à voir leur prix augmenter. Il y a cette arrêté du carburant qui augmente le coût du transport. Le coût du transport est déterminant au niveau de la fixation des prix des marchandises, de la circulation des biens et des marchandises, des biens et des personnes. Compliqué même par les mesures qui ont été prises au niveau du transport en mairie de Bujumbura, limitant certains moyens de transport dans certains endroits. Cela a compliqué aussi davantage. Il y a la faible production de certaines denrées alimentaires. Vous voyez qu'il y a des denrées alimentaires dont l'inflation dépasse même 80-60-80%. En grande partie, l'inflation au Burundi est influencée par les produits alimentaires, les produits agricoles. On peut évoquer une production suffisante du maïs, mais ça ne suffit pas quand cette production n'est pas valorisée, quand en contrepartie d'autres biens, d'autres denrées ne sont pas une production un peu suffisante. Nous sommes tombés dans ce qu'on appelle la spirale inflationniste et psychologique. Les gens ont tendance à augmenter les prix des activités, bien qu'ils vendent ou même des services, pour soi-disant qu'ils veulent faire face à ce coût d'inflation. Donc cette spirale psychologique augmente cette inflation. Pour l'arrêter, il faut jouer sur ses actions au niveau des devises, au niveau du carburant, au niveau de la production alimentaire, une politique agricole de relance. Encore plus, vous voyez qu'il y a un problème au niveau du commerce transfrontalier, un problème d'approvisionnement dans les pays voisins. Vous savez que même le gouvernement a tenté de laisser les gens importer de l'extérieur, mais malheureusement, même le cycle importé, vous voyez qu'il est à un prix élevé suite à cet arrêté. C'était là Faustin Dikoumana, directeur national de la PARCEM. L'actualité continue sur Isanganiro. La loi régissant la succession au Burundi doit être mise en place tout en précisant la succession des femmes. Ce sont là les propos du président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, lors du discours du 8 mars dernier, lors de la célébration de la Journée mondiale des droits de la femme en province de Bubanza. Le président de la République souligne que cette loi devra prendre en compte les mœurs et les coutumes du pays. Suivez-le pour plus de précisions dans cette traduction de Merdouaille. Nous avons la constitution, les codes et lois déjà établis. Ce sont ceux qui ne sont pas encore établis qui nous causent du tort. Car ils divergent d'une province à une autre. C'est une expérience vécue lorsque nous mettions en application les procès de ce genre. J'ai posé une question en rapport avec Igiseke. J'ai trouvé que ça diverge d'une province à une autre. C'est pourquoi la loi régissant la succession au Burundi doit être mise en place. Le code des personnes et de la famille doit être revu en tenant compte de chaque détail. Si on se demande quelle sera la procédure pour une fille déjà mariée, celle qui n'a jamais été mariée et ceux qui ont divorcé. Comme vous le savez ici au Burundi, quand vous êtes marié, vous êtes censé associer toutes vos richesses. Et s'il arrive que l'un des deux meure pendant cette même nuit de noces, que ce soit l'homme ou la femme, est-ce que la dame pourra-t-elle aller hériter chez les parents de son mari ou vice-versa? Ce sont des questions qui doivent être insérées dans la loi. Je m'adresse à vous les experts de la loi. C'est tout vous qui est vrai dans le ministère de la Justice. Donnez vos contributions à cette question, car il y a des mœurs et coutumes du Burundi qui doivent être bien écrits afin d'avoir un commun accord. Comme ça, nous saurons comment on peut échanger sur cela. Je le dis parce que j'ai déjà remarqué qu'il y a des spéculateurs qui se cachent derrière l'absence de la loi. À ce sujet, certains citadins de Bujumbura, la capitale économique, trouvent qu'établir une loi se rapportant à la succession des femmes réduirait les conflits entre frères et sœurs. Mais d'autres indiquent qu'une telle loi pourrait être source de conflits. Ainsi, selon ce citoyen, certains hommes pourraient entre-temps tenter de contacter des mariages avec des femmes qui ont des potentialités en matière foncière et de proposer que cette loi soit étudiée minutieusement en vue d'éviter des conflits. Suivez ce micro-baladeur. Comme une femme de ma part, cela va entraîner des conflits avec nos frères. S'il s'agit de propriétés achetées par votre maman, ça va marcher. Je trouve que ce sera un problème. Alors, pour nous les femmes qui n'ont pas de terrain, nous allons être chassés car les hommes vont épouser les femmes qui ont des terrains. Sur ce, il y aura trop de divorces. La loi sur la succession, nous pouvons l'accepter comme les autres. Mais ce que je vois, il faut qu'on partage les biens que la fille a trouvés là où elle s'est mariée. S'il s'agit d'une parcelle achetée par leurs parents, il faut partager. Mais s'agissant d'une propriété foncière, la fille ne peut pas venir déranger son frère. Au contraire, si la fille n'a pas été mariée, ils vont partager les biens laissés par leurs parents. Moi, j'apprécie positivement cette position parce que si on considère la population burundaise, on voit qu'il y a plus de 50% de la femme. Même si on considère donc dans une famille où il y a, par exemple, des filles et des garçons, ce sont les filles qui apportent beaucoup dans les familles par rapport aux hommes. Parce que les hommes et ils pensent leur famille. Tandis que la femme, en elle-même, elle pense sa famille, son père, sa mère, même ses frères. Tu vois qu'il y a la différence. Et je pense que donc, cela n'apportera pas beaucoup de problèmes par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Les frères et sœurs doivent partager équitablement. Je pense que ça ne pose pas problème. Si mon frère a une femme, si elle va avoir une partie dans sa famille, ça ne sera pas un problème. S'il y aura une loi sur la succession, c'est bon. S'il y a la loi sur la succession, nous allons accepter parce que nos sœurs partagent avec nous et va là où elle s'est mariée pour prendre une autre partie du côté de son mari. Ce n'est pas un problème. Quand on partage avec nos sœurs, normalement, la fille hérite là où elle a été mariée et chez elle, on donne une partie à cultiver seulement. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Capé sur Kayanza pour parler société, une jeune fille qui exerce une activité génératrice de revenus ne peut pas se laisser tromper facilement par ceux qui veulent l'induire dans de mauvais comportements. Les propos sont ceux des menuisières qui exercent la menuiserie dans le quartier Kirima. En ville de Kayanza, elles appellent d'autres jeunes filles à entreprendre des activités génératrices de revenus pour s'autodévelopper. Christian Baragnidi-Guillé, conseiller de l'administrateur communal à Kayanza, en charge des affaires sociales, appelle les femmes et filles à se regrouper ensemble dans des associations et coopératives de développement. Les détails avec Patrick Senghiouf. Ces jeunes filles menuisières à Kayanza, nous les avons trouvées dans un atelier de menuiserie se trouvant dans le quartier Kirima au centre urbain de Kayanza, en train de fabriquer différents objets avec des machines adaptées à la nouvelle technologie de la menuiserie. Elles disaient qu'après avoir échoué au concours national de l'après-l'école fondamentale, elles ont suivi une formation de menuiserie qui a été donnée par l'organisation Swiss Contact. Ces jeunes filles menuisières à Kayanza font savoir que son métier de menuiserie était beaucoup exercé les derniers jours par des hommes, mais qu'elles ont déjà remarqué que même les filles peuvent l'exercer sans problème. Elle précise qu'après 3 ans d'exercice de son métier de menuiserie, elles parviennent à s'acheter ce dont elles ont besoin, sans dépendre de leurs parents ou de quelqu'un d'autre. Certaines disaient d'ailleurs qu'elles ont déjà réalisé de mini-projets de développement comme l'élevage du petit bétail, avec l'argent qu'elles gagnent dans son métier. Ces jeunes filles menuisières à Kayanza trouvaient d'ailleurs qu'une fille qui exerce une activité génératrice de revenus ne peut pas se laisser tromper facilement par ceux qui veulent lui accorder des cadeaux en poisonné pour gâcher son avenir. Chumbucho David, qui a encadré ses jeunes filles dans le métier de menuiserie, se dit satisfait du pas déjà franchi par ses menuisières dans leurs activités. Au niveau de l'administration communale Kayanza, l'on apprécie positivement que les filles et femmes de ces jours-ci se prennent beaucoup d'engouement dans la réalisation des projets de développement, contrairement à celles d'antan. Toutefois, Christian Baragnizigui, conseiller de l'administrateur en charge des affaires sociales, les appelle à travailler ensemble en se regroupant dans des associations et coopératives de développement. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique sport. Le club de cyclisme premier au niveau des provinces s'affronte chaque année dans le championnat national de cyclisme. Bernard Nangumuka, président de la Fédération burundaise de cyclisme, fait savoir qu'à part les prix décernés aux meilleurs cyclistes de ce championnat, ce sont eux qui représentent le Burundi dans les compétitions internationales de cyclisme. Chronique sportive avec Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Les compétitions de cyclisme s'organisent d'abord au CD Club dans le but de détecter les talents des meilleurs cyclistes qui peuvent représenter les provinces respectives dans le championnat national de cyclisme. Explication de Bernard Nagumuka, président de la Fédération burundaise. Au sein des clubs, on organise des compétitions pour dresser une liste des prix méritants qui peuvent représenter les clubs. Alors, dans l'avenir, nous espérons qu'avec le progrès, la jeunesse va s'affilier à un grand effectif et avec le développement, pouvoir les transporter, on aura des compétitions très lourdes, comptant beaucoup de compétiteurs, beaucoup de cyclistes. Le président de la Fédération burundaise de cyclisme indique que les cyclistes qui se présentent dans ce championnat national sont sélectionnés selon les critères d'âge et du genre. Les clubs de différentes provinces comptent beaucoup de cyclistes. Par exemple, le club Akaranga de Gihanga compte 70 garçons et 40 filles. Le club d'Ongozi, 65 garçons, 43 filles. Et le club de Nyanzalak à Makamba, 45 garçons, 30 filles. Ça vous montre combien les clubs comptent beaucoup de cyclistes. Ce qui est difficile pour pouvoir les transporter jusqu'au lieu de compétition, sauf quand la compétition se fait dans la province. Par exemple, si vous prenez l'équipe de Gihanga pour un championnat qui s'opère à Muyinga, pouvoir transporter un effectif de 110 plus les accompagnateurs, vous voyez combien ça peut coûter beaucoup. À part les prix décernés aux meilleurs cyclistes de ce championnat, ce sont ces derniers qui représentent le Burundi dans les compétitions internationales de cyclisme. À propos des prix qu'on distribue aux prix méritants, tout dépend de l'enveloppe que nous avons au niveau de la fédération lors de l'organisation de la compétition. Si on a une enveloppe élevée, on donne des prix élevés. Et si on a une enveloppe faible, les prix aussi diminuent d'importance. Mais aussi, ça peut dépendre des sponsors. Il y a des sponsors, des fois, qui nous aident à donner des prix. À part les prix, la liste dressée encourage aussi les enfants, les cyclistes, parce que c'est cette liste qui va représenter le pays pour les championnats internationaux. Pour les filles, par exemple, les plus méritantes sont préparées pour représenter le pays dans le Tour cycliste international féminin du Burundi, qui est un tour international qui se fait au Burundi et qui est représenté par une équipe burundaise. Inhamba Murugamba filles, cyclistes, ce qui va les encourager à continuer. Bernard Nagumuka se réjouit en outre de l'état de lieu actuel de cette organisation du championnat national. En tant que président de la fédération, je suis ravi de voir que notre sport va se développer. Il va se développer pour des raisons qui nous rassurent. Et premièrement, nous travaillons en collaboration et en commun accord avec mes coéquipiers. À cela s'ajoute l'engouement que nous constatons au sein de la jeunesse à pratiquer ce sport parce que l'attraction s'accroît du jour au jour. Et cela nous montre que d'ici quelques temps, notre sport sera un sport développé et un sport aimé au niveau national. Selon le président de la Fédération burundaise de cyclisme, cela donne l'espoir que l'organisation de ce championnat sera de haut niveau dans l'avenir, ce qui va permettre d'avoir beaucoup de cyclistes qui représenteront le Burundi dans les compétitions internationales. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikoumanyanga. Bonne suite de nos programmes.